Cet atelier traite la question du stalinisme. Et moi, je parle un peu du principe que beaucoup de vous sont déjà un peu informés sur la révolution russe, ont au moins écouté la présentation d'Éric. Et parce que moi, je trouve que c'est un sujet central, mais les explications du stalinisme qui racontent un peu comment Staline a fait pour monter, pour moi, ils ne suffisent pas parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à la question principale qui est en fait pourquoi c'était possible. Et en même temps, si quelqu'un te demande, mais en Russie, tu crois quoi, tu penses quoi sur le régime qu'il y avait, si tu lui racontes, ouais, mais tu sais, en 1921, Staline, il a fait ci et ça, et Trotsky, il a proposé ça en 23, ça ne va pas beaucoup aider à expliquer le caractère de ce régime qu'il y avait en Russie pendant plus que 70 années. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ce que j'essaie de répondre dans cette présentation, c'est le pourquoi. Mais la question du comment et la question du pourquoi, elles sont évidemment toujours liées. L'analyse du caractère de l'Union soviétique a toujours marqué le mouvement communiste, non, depuis la Révolution, et particulièrement le mouvement trotskiste. Et pour moi, la caractérisation de l'Union soviétique, c'est pas seulement genre une querelle stérile entre des caudillos trotskistes, mais c'est vraiment comme un décamètre pour mesurer le sérieux qu'on attache à la méthode marxiste. Et nous, c'est un de nos principaux questions, c'est si tu veux analyser un phénomène complexe, ce qui est plus important que les savoirs genre minuscules sur l'histoire de ça, c'est de la méthode d'analyse, non? Et du coup, la présentation, elle est aussi un peu centrée sur les outils théoriques qu'on peut utiliser pour analyser ce régime en Russie. La situation, je commence par la guerre ou par la fin de la guerre civile après la Révolution en Russie. Et il ne faut pas oublier que la Russie, c'était un pays économiquement très, très arriéré. C'était le maillon le plus faible du capitalisme européen. Et en fait, dans tout ce pays, il y avait 3 millions d'ouvriers seulement, mais quasi 90% de la population était paysan. Et tout ce que ça impliquait en Russie d'être paysan, on a une vie très, très basique. Et on doit, dans cette présentation, même si c'est important, on doit également omettre la question de la guerre civile. Mais pour tout le monde qui s'intéresse à ce sujet, moi, je vous conseille d'écouter la présentation de Rob Lyon qu'il a fait à notre école d'été internationale l'été dernier, que vous trouvez sur YouTube, mais qui est vraiment super intéressant parce que c'est une période politiquement importante, mais qu'on ne regarde pas souvent de près. Et du coup, après la guerre civile, non, qui était la défense de la révolution contre toutes sortes d'armées impérialistes et de soulèvements blancs contre-révolutionnaires, c'était une situation de désolation générale. Le pays a croisé quasi 4 ans de guerre civile, et avant la guerre civile, c'était la guerre mondiale. Du coup, il a passé 7 années en guerre, et ça a coûté un coût humain très très fort en Russie. La guerre de la Première Guerre mondiale combinée avec la guerre civile. Et en parallèle, on avait tout un blocus économique impérialiste envers la Russie, et une grève d'investissement généralisée en Russie qui a amené à des problèmes économiques très forts. Et en plus, il y avait plusieurs cas de famine énormes et une situation où les gens dans les campagnes sont retournés au cannibalisme, en quelque cas. Et du coup, en chiffres, on a une chute des ouvriers industriels de 3 millions pendant la Révolution en 17 à 1,2 million seulement 3 années plus tard. Ça veut dire que les gens qui bossent dans l'industrie, ils ont été divisés par 2. Et la production, elle a également chuté pendant cette période de guerre civile. En 1920, elle représente, à la fin quasi de la guerre civile, elle représentait encore 13% de la production industrielle avant la Première Guerre mondiale. Mais vraiment, genre un dixième. Et c'était déjà tous les chiffres que je vais utiliser, mais en bref, l'économie, elle était détruite à la fin de la guerre civile. Et au niveau politique aussi, les ouvriers les plus révolutionnaires et les plus dédiés à la cause, c'était ceux avec plus d'esprit de sacrifice. Ils ont souvent été tués dans la guerre civile, non? Et du coup, on se demande comment c'était possible qu'en 24, ce régime qui était au début, qui a donné de la confiance au monde entier, déjà en 24, six années et demie après la révolution, il a déjà monté des traces de déformation très importantes, et genre un régime interne qui n'était plus du tout démocratique. Et Léon Trotsky, quand il analyse ce phénomène, il fait une comparaison avec la Révolution française qui est très intéressante. Et il donne plusieurs concepts qui nous aident à analyser ce qui se passe, ce processus. Un, c'est la contre-révolution, genre le retour à la situation d'avant la révolution, bref, la réaction, qui est genre les intérêts politiques d'aller, de faire la marche, arrière à la roue de l'histoire, et le concept de Thermidor, que je vais revenir plus tard, encore une fois. Et à plus de ça, il met l'attention sur les deux niveaux d'analyse que connaît le marxisme, qui sont des outils importants, qui est la sphère politique, la superstructure, dont fait partie l'idéologie et ce qu'on appelle généralement la politique, et sa base économique, non ? Qui était important en Russie de regarder ça, parce que c'est cette base économique qui a profondément changé de avant et après la révolution. Et quelque chose qui est un peu entre ces deux sphères, c'est le régime légal et l'appartenance des moyens de production, non ? Et selon l'analyse bourgeoise, ce cadre, il a profondément changé quand les moyens de production, quand l'industrie était socialisée, qui appartenait après à tout le monde. Et ce qui est aussi important, c'est que les périodes des révolutions et de contre-révolutions, ils sont comme des jumeaux, ils apparaissent dans les mêmes périodes de l'histoire et ils se succèdent très rapidement. Et même aujourd'hui, il est important de comprendre dans quelle période on se trouve. Et du coup, pour faire comme une proposition de grille de lecture, Trotsky, il fait des analogies avec cette révolution, la dernière révolution avant la révolution russe, qui changeait les bases matérielles de la société, qui était la révolution française, et particulièrement la période de 1789 à 94. Et à partir de 94, ce concept de Thermidor apparaît, qui désigne la période quand l'aile droite des Jacobins, qui était la fraction la plus révolutionnaire de la Révolution française, et le centre, ceux qui étaient un peu plus modérés, fait chuter Robespierre, le leader de la Révolution française. Et c'est une période de réaction politique, et le début de la fin de la période proprement révolutionnaire ou plus progressiste de la Révolution française. Et cette période qu'on appelle Thermidor, elle est marquée par le terreur, genre la violence politique, contre la révolution elle-même des Jacobins, et cette période culminera ou se terminera par l'ascension de Napoléon III, Napoléon Bonaparte. Au niveau des masses, c'était une période d'épuisement révolutionnaire, qu'ils n'avaient plus d'énergie de continuer à lutter. Et en même temps, c'est cette période où les nouvelles relations de propriété que la révolution a amenées, genre la propriété bourgeoise, se stabilisent. Et Trotsky explique que dans une période de ce que lui il appelle de réaction, ou genre le film de la révolution, il commence comme à jouer à l'envers. Et toutes les conquêtes sont mises en question ou abolies. Mais la raison, c'est qu'il existe toujours des forces sociales qui ont intérêt de faire tourner marche en arrière de la roue de l'histoire. Mais il y a des éléments qui sont trop avancés, que la révolution a fait avancer trop. Et par exemple, la vieille classe dominante, elle ne pouvait plus, pendant la révolution française, revenir au pouvoir elle-même. Et la véritable lutte politique qui fait avancer la situation, c'est elle se joue à l'intérieur de la fraction la plus révolutionnaire, à l'intérieur des Jacobins. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que au même temps que Napoléon Bonaparte, il représentait une réaction politique, parce que politiquement, c'était des pas en arrière, son régime, non, c'est il réintroduit la religion dans l'État, il se couronne lui-même empereur, mais en même temps, il fait des alliances avec les banques et il se base sur cette nouvelle forme de propriété. Ça, il met pas en cause. Et du coup, et ça prouve que bien que c'est genre une situation de réaction politique au niveau économique, au niveau de la base économique, c'est une situation de stabilisation du nouveau régime. Et ceci nous donne un cadre aussi d'analyser ce qui, par analogie, ce qui s'est passé en Russie, particulièrement dans cette période qui va de 1922 à 1924. Parce que c'est ça, la période de stabilisation, d'abord de naissance et après de stabilisation de ce qu'on appelle la bureaucratie. Mais c'est quoi les origines de cette bureaucratie, ou les vraies causes que ça s'est bureaucratisé en Union soviétique. Et la raison principale, c'est une des contradictions de cette révolution qui était là depuis le début, c'est que c'est pas une révolution dans le pays qui est le plus avancé, mais celui qui est le moins avancé en Europe. Et à cette période-là, personne n'espérait que ça pouvait commencer à... La révolution pourrait commencer en Russie, mais c'est ce qui s'est joué. Et du coup, depuis le début, cette expérience était marquée par ce fait que c'est une révolution précoce dans un pays arriéré. Et il y avait une panoplie de différentes contradictions, notamment entre la ville et la campagne, parce qu'une des questions, c'était comment approvisionner les villes. Mais les paysans, ce qu'ils voulaient, c'est échanger le blé contre quelque chose. Mais dans une situation où tu n'as ni d'industrie, mais surtout juste rien, en général, pas vraiment d'économie qui fonctionne, tu ne peux rien offrir aux paysans qui en échangent contre le blé. Et ça a amené à la violence, parce que le jeune régime communiste, il a décidé il faut survivre, il faut nourrir, manger en ville. Du coup, ils sont allés chercher le blé avec la force, qui était plus ou moins efficace, mais pas la manière la plus gentille. Et après, il y a des contradictions entre la production et la distribution, parce que initialement, c'est même pas l'objectif de nationaliser toute industrie, mais juste d'introduire le contrôle ouvrier sur cette industrie, qui est le sujet de l'autre présentation. Mais pour des raisons objectives, ça fonctionne pas, et ils sont obligés à nationaliser toute l'économie, mais ils ont... Toute l'économie était possédée par des capitaux étrangers et du coup, ils connaissent pas la technique eux-mêmes, ils n'ont pas les ingénieurs formés parce que c'était tous des étrangers, ils n'ont pas les ouvriers formés, ils n'ont pas de pièces de rechange pour cette économie. Du coup, ils n'arrivent pas vraiment à faire marcher ce qu'ils ont hérité du capitalisme avant. Il y a des contradictions entre l'industrie et l'agriculture, que celles que j'ai racontées avant de l'approvisionnement, mais aussi des questions de comment développer, comment faire plus productif autant l'industrie que l'agriculture. Et comment augmenter la productivité dans ces deux domaines. Et un des grands débats, c'était comment collectiviser les exploitations agricoles individuelles, parce qu'ils ont donné les terres, ou au moins les droits sur les terres, à tous les paysans individuels, mais ce n'était pas du tout productif. Et une des questions, c'était aussi à quoi donner la priorité, au développement de l'agriculture ou au développement de l'industrie. Une autre contradiction, c'est celle de la monnaie et de la loi de la valeur dans l'économie qu'on a discuté hier. C'était pendant la guerre civile, il y a eu une carte de rationnement, ça veut dire que tout le monde avait droit à la même nourriture, ce qui était très très peu. Et ce n'était pas un communisme, mais c'était juste la socialisation ou la distribution juste de la pauvreté. Et ça ne donnait aucune motivation aux ouvriers de travailler de manière efficace et rapide dans leur usine, parce qu'ils étaient tout nourris comme de la merde. Et ils ont réintroduit ce système que vous connaissez peut-être, c'est le stakhanovisme, qui visait à donner des motivations individuelles pour travailler plus rapidement et plus efficacement. Et ils ont réintroduit le rouble aussi, la monnaie. Ceci a reflété cruellement toutes les contradictions, parce que ça s'exprime après juste dans la circulation monétaire. Et ça a amené de nouveau à une panoplie d'autres contradictions. L'inflation, que les différenciations sociales sont devenues devenue très visible. Et si on voit toutes ces contradictions, c'est comme des questions qui doivent être résolues, mais ils n'ont pas les moyens pour les résoudre tous en même temps. Non? Et il faut décider, est-ce que d'abord on industrialise ou d'abord on développe les coopératives pour les paysans. Et ça demande de l'État soviétique d'être arbitre, non? De dire, ok, mais vous attendez, maintenant on se concentre sur ça. Et Trotsky il donne une illustration très facile du développement de la bureaucratie. C'est s'il y a une situation de pénurie, de manque, non, par exemple de pain, mais il y avait un peu de la pénurie de tout à cette époque, et une file d'attente se crée devant la boulangerie, et si les gens ont beaucoup faim, et il y a beaucoup de gens qui avaient faim, il te faut un policier qui règle la file d'attente. Non? Et le policier, personne ne s'embrouille avec lui, il le respecte même parce qu'une file d'attente civilisée, ça tranquillise et ça fait plus juste la distribution de pain. Mais il faut aussi payer ce policier. Et la bureaucratie qui s'est installée en Russie, c'est un peu comme ce policier, mais au niveau, en échelle beaucoup, beaucoup plus grand. Mais elle reste un arbitre entre ces différentes demandes envers l'État. Mais de cette position, elle se développe une position très privilégiée. Et ce développement, c'est ce que nous, on appelle le stalinisme, non? Qui était façonné par un individu, mais c'est plutôt le fonctionnement de cette bureaucratie et de cette qui se développe après dans une logique politique que nous, on appelle le stalinisme. Mais Staline lui-même, si on veut regarder le personnage, et notre international a publié un livre de 700 pages, juste qui s'appelle c'est la biographie de Staline, qui parle que de cet individu, mais en fait, ce livre parle aussi de comment c'était possible que ça se développe. Et Staline lui-même, c'était un géorgien, il vient d'une famille très pauvre, et il a passé une jeunesse passablement violente aussi. Mais dans son activité politique de jeunesse, c'était très divers. Il était à Bakou, genre dans l'industrie pétrolière, où il a eu une position politique importante. Il a passé par la prison, il a braqué des banques pour financer le parti. Il était un travailleur du parti, ce qui était une vie très précaire et genre assez héroïque. Et il était aussi proche collaborateur de Lénine à une période avant la révolution, où il a même écrit un livre sur la question des nationalités. Mais on dit que Lénine l'a passablement aidé dans l'écriture de ce livre. Mais politiquement, dans sa carrière politique, on voit que quand ça devient chaud politique, il préfère de se retirer et regarder ce qui se passe et revenir plus tard quand les questions les plus urgentes et difficiles sont déjà réglées. Et du coup, ça faisait partie de sa manière d'être, de temporiser, de surveiller les autres avant d'agir lui-même. Et du coup, en plus, il était plusieurs fois chef du journal du parti bolchevique, où il était également très conciliateur et pas très dur avec ses critiques envers l'autre. Donc, il était un des traits les plus importants des bolcheviques, d'avoir des critiques claires envers les autres. Et du coup, tous ces traits individuels, ils ont façonné le régime naissant en Russie, parce que Lénine y portait une parce que Staline y jouait un rôle crucial. Mais l'autre question, c'est d'où vient le personnel de la bureaucratie lui-même. Et ce qui est important de savoir, c'est qui peut lire et écrire en Russie, une infime minorité de la population. Et c'était souvent des gens des couches supérieures de l'ancien régime, non? C'est des anciens aisés ou des fonctionnaires qui étaient, par leur position sociale sous la Russie tsariste, plutôt conservateurs. Et en grande partie, ces gens qui commençaient ou qui bossaient déjà dans l'administration russe, ils étaient, avant la révolution, en fait, ou pendant la révolution, contre la révolution. Mais vu qu'ils savaient lire et écrire, on les a gardés dans la bureaucratie. Et du coup, c'est ce moment à la fin de la guerre civile, où il y a aussi beaucoup d'officiers militaires de l'armée rouge qui retournent dans la vie civile, que se jouent les premiers moments de bureaucratisation. Et ça s'explique également qu'il y a un essoufflement de l'énergie révolutionnaire après cette longue période de guerre civile. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que pendant la guerre civile, les bolcheviks, ils ont introduit des mesures extraordinaires dans le paysage politique, notamment l'interdiction des autres partis, aussi de gauche ou de tous les partis d'opposition, et l'interdiction des fractions à l'interne du parti. On peut discuter plus tard sur ça, mais en tout cas, ça faisait que, à la fin de compte, les contradictions dans la société, et notamment les différents intérêts de différentes fractions de la société, s'exprimaient à l'intérieur du parti même, parce qu'il n'y avait pas d'autres partis où ces intérêts peuvent s'exprimer. Et Staline, il fait tout ce développement aussi, il se crée pour la première fois une base d'appui pendant la guerre civile dans l'armée rouge, où lui, il a une position militaire. Et c'est là où Staline développe cette relation réciproque avec le personnel ou avec la bureaucratie. Et c'est une relation dialectique ou réciproque, parce qu'un a besoin de l'autre. Non, Staline, il représente les intérêts de la bureaucratie, et la bureaucratie a besoin de Staline parce qu'il les représente. Mais les deux, ils sont aussi très impitoyables envers l'autre, parce que Staline, il exécute un grand nombre de ses fiels suiveurs dans la bureaucratie, mais à la fin de sa vie, Staline, il est exécuté par des gens de sa bureaucratie même. Non. Ce qui montre cette relation. Et la grande question en Russie, c'est pourquoi la fraction la moins apte et la moins clairvoyante politiquement, elle a gagné cette lutte politique. Et Trotsky, il donne une explication intéressante, parce qu'il dit « La politique n'est pas qu'un débat logique ou une partie d'échec. Or, la lutte politique est, au fond, celle des intérêts et des forces, non des arguments. » Et c'est pour ça que j'ai souligné aussi les intérêts que développent ces bureaucrates, non? Parce que leur demande, c'est principalement de pouvoir travailler à l'aise et de s'établir et d'avoir de la tranquillité en Russie. Et dans cette situation que j'ai décrite avant, c'est évident que seulement une petite partie de la population peut demander une vie tranquille. C'était que des gens qui avaient des emplois stables, et des emplois stables dans une situation que j'ai décrit en Russie, c'est uniquement les bureaucrates, non? Ça montre un peu d'où viennent ces demandes. Et ce qui est important avec Staline, c'est que lui, il donne une couverture politique et il guide les intérêts de ces gens dans un État qui était jusqu'à il y a peu encore un État entièrement révolutionnaire, non? Et un parti révolutionnaire aussi. Et du coup, les bureaucrates, ils ont besoin de quelqu'un qui connaît les machinations du parti et de l'État pour défendre leurs intérêts. Et Trotsky, il dit que dans les périodes, il dit que des périodes révolutionnaires dévorent les humains, et souvent les meilleurs humains, et dans des périodes de réaction politique et de détraction et de reflux, ils ont besoin de gens plutôt médiocres. Et c'est pas genre, Staline, il crée pas cette situation de reflux politique, mais il l'utilise pour ses propres intérêts. Mais il y avait dans cette situation, il y avait aussi une autre force, non? Celle des forces progressistes et vives, des ouvriers et des masses qui ont eux-mêmes accompli la révolution et ils ont défendu la révolution pendant la guerre civile avec leur vie. Mais ces forces-là, ils sont fatigués ou ils sont juste morts dans la guerre, comme j'ai expliqué, et ils se font piquer la parole et se font mober par cette bureaucratie qui naît. Ils sont là, mais ils ne luttent pas. Ils observent plutôt. Et Trotsky, pour illustrer cette passivité des masses, il cite un rapport qu'a écrit un autre communiste qui s'appelle Christian Rakowski, qui est un personnage intéressant. C'était un communiste hongrois qui avait une position importante en Ukraine. Et Rakowski, il cite aussi à Babeuf, un autre participant de la Révolution française, où il fait de nouveau une analogie à cette période. Et je cite ce rapport de Rakowski qui dit « Babeuf, regardant autour de lui après sa sortie de la prison d'Abeille, commença à se demander ce qui était devenu ce peuple de Paris, ces ouvriers des faubourgs, qui, en 1789, avaient pris la Bastille, en 1792, les Tuileries assiégé la Convention, etc. Il résuma ses observations en une phrase dans laquelle on sent l'amertume du révolutionnaire. Et cette situation de Babeuf est: il est plus difficile de rééduquer le peuple dans l'amour de la liberté que de la conquérir. Mais en plus, je trouve c'est important de s'arrêter un moment avec ce personnage de Rakowski, parce que quand j'ai fait des recherches sur lui, j'ai trouvé un livre de l'historien Pierre Brouet, et moi je vous conseille tous de lire en général tout ce qu'il a écrit. Cet historien Brouet, mais notamment cette biographie sur Rakowski qui est très intéressante, parce que selon Brouet, c'est ce personnage même qui a développé en premier une théorie ou une analyse marxiste de la question de la bureaucratie. Et c'est intéressant parce que Rakowski, il est responsable que le premier clash de Lénine et Staline éclate sur cette question des nationalités déjà en 1922, ce qui est très tôt, non? Et c'est Rakowski est également la première personne qui était bureaucratiquement destituée de ses fonctions dans une lutte politique à l'intérieur de la Russie par Staline, non? Et c'est la première fois que Staline montre qu'il préfère en fait régler les questions politiques par la force. Cet historien Brouet, il insiste sur l'année 1922 comme une année charnière parce que se montrent déjà en 22 les traits principaux du stalinisme, qui sont, d'une part, Staline devient en avril le secrétaire général du comité central. Staline est directement responsable, mais il y a un grandissement exponentiel du parti, de l'appareil du parti. Le secrétariat du comité central lui-même, il augmente jusqu'à 500 juste personnels administratifs. Moi, je rêverais d'avoir 500 personnels administratifs qui m'aideraient dans ces tâches. Et le comité central, il commence aussi en 22 à nommer des secrétaires des bureaux régionaux et ces sortes de surveillants qu'ils envoient dans tous les conseils des soviets et tous les niveaux des instances démocratiques à cette période encore en Russie, mais qui n'ont pas de droit de vote au niveau régional, mais ils disent toujours ce que pense le comité central et notamment son secrétaire général, et c'est une sorte de colonne vertébrale surveillant toute l'activité du parti, mais qui est directement sous contrôle de Staline lui-même. Mais c'est la première fois qu'il y a ce sorte de fonctionnement de surveillance depuis le haut dans le parti, parce qu'avant c'était un parti démocratiquement structuré par le Congrès, par en bas. Et en juillet aussi, une nouvelle sorte de loi qui était passée par le comité central, qui s'appelle qui vise, citation, l'amélioration du niveau de vie des employés du parti, et qui est clairement l'introduction pour la première fois d'énormes privilèges pour les employés du parti. Et du coup, l'historien russe qui s'appelle Potchekoldin, il dit quelque chose d'intéressant, il dit: il s'était à peine écoulé 9 mois qu'en décembre 1922, Lénine proposa Il s'est à peine déroulé 9 mois, en décembre 1922, Lénine proposa d'écarter Staline de ce poste, considérant qu'il concentrait entre ses mains un pouvoir exorbitant. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'en 9 ans, Staline a déjà des traits dangereux. Si on retourne un peu à ce cadre qu'on a développé sur la Révolution française, et on l'applique au cas qu'on a devant nous de la révolution russe, du régime russe, on peut dire que Staline et la bureaucratie, ils mènent une contre-révolution politique, mais sans toucher au rapport de propriété qui était introduit par la révolution. Et donc, elle ne constitue pas une classe, mais une caste parasitaire sur le dos des ouvriers. Et elle usurpe un pouvoir politique. Mais les racines de ce développement, elles se trouvent dans les contradictions que nous avons énumérées plus tôt, qui sont, elles, insolvables dans l'immédiatement. à cause de cette situation de pénurie, non, en Russie, on appelait déjà genre que de l'introduction du socialisme, mais dans une situation de manque, de parler de chacun selon ses besoins, c'est ridicule, non? Tous ceux qui disent que se développe déjà le socialisme, ils n'ont pas vraiment compris de quoi il s'agit. Et dans la vision marxiste, l'État est toujours le représentant d'une classe. Et il sert à garder et imposer des intérêts, grâce à la violence si nécessaire. Et l'État n'est... selon nous, l'État, il n'est jamais un arbitre genre neutre ou indépendant ou juste, parce qu'il doit défendre, en fin de compte, les intérêts d'une classe. Et en Russie, nous, on considère qu'en fin de compte, il représentait toujours cette classe qui était la classe dominante, qui possédait les moyens de production, qui était la classe ouvrière. Mais pourtant, sous certaines conditions, il est possible que l'État acquiert une indépendance importante vis-à-vis de cette classe. Il y a des situations où la classe dominante cède, plus ou moins volontairement, une partie du pouvoir à la machine d'État, à la bureaucratie elle-même, même dans d'autres régimes. Et des exemples de cette situation sont Bonaparte, qu'on a parlé avant, mais aussi des régimes de Bismarck en Allemagne, de Chiang Kai-shek en Chine, de Hitler, et aussi de Perón, ou même des situations à des périodes de Gaulle en France. Non? Un État très fort, mais qui représente plus directement les intérêts de la classe dominante. Et Trotsky, il appelle ces situations du bonapartisme politique, un concept que déjà Marx et Engels ils avaient utilisé, pour décrire cette situation où une caste politique au pouvoir acquiert une indépendance vis-à-vis de la classe proprement dominante. Mais le régime lui-même ne change pas de rapport de propriété et du fonctionnement qu'il a. Ouais. Mais le but de cet exercice, c'était de souligner que l'appartenance de classe en dernière instance dépend de la position dans des rapports de production, non? Et en Russie, c'est la réponse de qui détient les moyens de production était relativement claire. C'était une propriété collective. Et ça appartenait encore aux ouvriers. Et donc, c'est eux qui consistent dans la classe dominante, non? Et c'est sur cette analyse un peu, ouais, que nous, on considère que l'Union soviétique est restée un État ouvrier, bien que passablement politiquement dégénéré. Et ceci explique aussi pourquoi le nouveau régime a défendu jusqu'à la fin, dans les années 90, trois éléments centraux du fonctionnement de l'Union soviétique. C'était cette socialisation des moyens de production qui appartenait à l'État et dont la bureaucratie dépendait matériellement, la planification de l'économie et aussi le monopole de commerce extérieur, qui est important pour défendre les deux éléments avant. Même si on dit que c'était un État ouvrier, non, cette caste stalinienne, elle a développé une indépendance politique importante. Et ce qui est important à souligner, c'est que cette indépendance politique, elle était instaurée à travers l'utilisation de violences très féroces, non, et d'une terreur généralisée, et notamment la liquidation de toute cette génération de révolutionnaires qui a elle-même fait la révolution en 1917. Et ça a continué avec des purges énormes dans les années 30, et etc. Et ceci, c'est pas... c'est, ouais. Si nous, on regarde ce développement du régime en Russie, c'est pas, si on dit que c'est rester un État ouvrier, c'est pas un jugement moral, on dit pas que c'est bien à cause de ça, mais c'est juste une analyse de la situation et la caractéristique de classe de ces régimes. Et on nie pas que c'était un État genre totalitaire ou un régime très violent. Mais on essaie de souligner les traits les plus importants. En même temps que se renforçait le régime stalinien à l'intérieur de la Russie, il y avait des développements très, très importants au niveau international. comment c'est la révolution de 17, elle a déclenché une vague de révolution partout dans le monde, notamment en Europe, mais aussi en Amérique latine et en Asie. Mais surtout, et ce qui est important pour un pays comme la Russie qui est sous-développé, des mouvements révolutionnaires dans un grand nombre d'États économiquement avancés. En 1918 déjà, mais après en 24 surtout, en 23 en Allemagne. Après, il y avait des vagues de révolution en 24 en Estonie et en Angleterre, en 26 en Pologne, en 27 en Chine. Et après, de nouveau, des tentations en Allemagne et en Autriche. Mais ils ont tous échoué, ces mouvements révolutionnaires. Et ça, c'est une condition très importante parce que ça a augmenté encore la déception dans les rangs des communistes partout dans le monde, mais particulièrement en Russie. Parce que, ouais, on doit s'imaginer, genre, ceux qui ont suivi un peu le développement du gouvernement de Tsipras en Grèce, on était tous déçus quand lui, il a juste lâché l'affaire après la votation l'été dernier. Mais genre, de survivre des dizaines de tentations de révolution qui échouent, c'est encore beaucoup plus cassant politiquement. Et ce qui est surprenant, mais important, c'est qu'à chaque révolution échouée, le régime en Russie, il s'est renforcé. Et ceci a mené que ce régime bureaucratique, il a encore plus d'influence sur les développements internationaux à travers la Troisième Internationale. Et du coup, c'est eux qui étaient responsables de ces échecs politiques parce qu'ils ont mal mené et donné des mauvais conseils aux autres révolutionnaires au niveau international. Et mais vu que c'était des échecs, à l'intérieur de la Russie, avec la déception, ça renforçait encore plus le régime bureaucratique. Et en même temps, un régime renforcé mène encore à plus des échecs au niveau international. Et c'est pour répondre à ces mauvais conseils que donnent Staline et ses amis dans la Troisième Internationale que Trotsky écrit en 1923 ce livre qui s'appelle « Leçon d'octobre ». Qui parle sur la Russie et sur la révolution russe, mais en fait, il parle de la révolution allemande et il critique les autres communistes. Et c'est ça qui déclenche un débat très violent, une campagne très violente contre Trotsky, et ce qui amène en 1924 à ce que Staline il formule pour la première fois une sorte de théorie qui était une des théories que lui il a développée. Il n'a pas développé beaucoup de théories. C'est cette théorie du socialisme dans un seul pays. Parce que lui, il disait que c'est possible de construire le socialisme en Russie même, peu importe ce que font les autres. Et cette idée était tellement contradictoire aux idées basiques du marxisme, mais notamment aux traditions des bolcheviks eux-mêmes, que le fait que cette théorie elle est juste acceptée par le Congrès est surtout un signal jusqu'à où déjà en 24 la bureaucratisation aussi de l'appareil du parti et de la vie interne a continué. Non. Ces mêmes erreurs qui étaient faites au niveau international, parce qu'après, par exemple, une deuxième théorie que développe Staline, c'est celle de la troisième période, où il considère, notamment en Allemagne, que les social-démocrates, dont les partis et les dirigeants du parti ont fait des trahisons importantes, mais Staline développe le concept que chaque activiste ou chaque membre du parti social-démocrate, c'est en fait un fasciste, parce que c'est aussi grave ce qu'ils ont fait que le fascisme. Et du coup, en Allemagne, les communistes, ils combattent plus les social-démocrates que les fascistes, et cette théorie de la troisième voie, et là, c'est un élément, ou un des éléments les plus importants, qui explique que Hitler a pu prendre le pouvoir. On voit que les théories, elles sont développées en fait après coup pour justifier des choses qu'on a déjà faites. Mais les théories, on les développe après. Et à l'intérieur de la Russie, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'était la même chose. À la fin de la guerre civile, ils ont compris que ça ne fonctionne plus avec juste aller chercher le blé avec l'arme chez les paysans, et il faut donner quelque chose aux paysans. Du coup, ils ont fait des modifications ils ont introduit une nouvelle politique, ce qui était justifié à cette époque. Mais eux, ils la fraction de Staline développe cette théorie que maintenant on développe tout tranquillement l'industrie en Russie et on se laisse pas stresser. Mais c'est les conditions objectives qui forcent à chaque fois la bureaucratie de changer rapidement leur politique. Mais c'était toujours, ils réagissaient d'une manière très empirique aux problèmes qui se créaient. Mais je vais pas aller dans les détails. Mais en tout cas, c'est un zigzag où ce développement de théorie après coup devient une règle. Mais pour répondre à la question que j'ai posée avant, pourquoi la fraction la moins clairvoyante a gagné la bataille, une des choses les plus importantes à pas oublier, c'est l'efficacité de l'économie planifiée en URSS. Et ça, c'est aussi un des éléments qu'il faut ne pas nier si on analyse l'Union soviétique, parce que malgré toutes les choses mauvaises qu'il y avait, malgré les persécutions politiques à partir de 1923, les goulags, les procès spectacles, la dissolution de la Troisième Internationale, qui était quand même un crime, parce que ça détruisait les liens entre les communistes au niveau international, ce qui est quelque chose qui est toujours un exemple en Union soviétique, c'est la vitalité prouvée par l'économie planifiée. Et ça, je veux illustrer par le deuxième, pas beaucoup de chiffres de nouveau, mais en 24, malgré le régime en place, ils arrivent à produire une augmentation de l'industrie en un an de 20%. C'est genre une croissance d'un cinquième de l'économie en un an. C'est quelque chose que des régimes capitalistes, ils n'arrivent quasi jamais à faire. Et ça continue pendant la Deuxième Guerre mondiale que les Russes, ils gagnent, en fait, où ils ont l'acteur le plus important contre les Allemands. Et c'est seulement grâce à une économie planifiée qu'il arrive à genre évacuer tout leur appareil productif à travers les montagnes et reconstruire toute leur économie pour l'effort de guerre où ils gagnent. Non, mais c'est aussi grâce à l'économie planifiée. Et après, dans les années 50, il y a de nouveau une croissance, une expansion de la production industrielle de 10% par an et une croissance économique de 12%. Et du coup, c'est des chiffres que peu de régimes capitalistes arrivent à atteindre et qui permet surtout de développer très, très rapidement ce pays arriéré. Non? Mais c'est ça qui explique, ou qui est une des explications, en fin de compte, pourquoi un régime aussi incapable politiquement peut rester au pouvoir pendant une aussi longue période. Mais c'est autour des années 63-64 où ça commence à tourner et il commence à avoir des graves problèmes de développement économique. Et si bien qu'on doit montrer qu'une économie planifiée, elle peut être très très efficace, notamment dans des pays sous-développés, le problème restait qu'elle était contrôlée de manière très bureaucratique par le régime, non ? Mais nous on dit que c'est pas le problème de l'économie planifiée, mais d'une économie qui est planifiée par le haut, par des bureaux à Moscou et pas par une planification démocratique à tous les niveaux. Que c'est ça ce qui aurait permis en Russie d'aller beaucoup plus loin et d'introduire vraiment le socialisme. Et je veux terminer par des conseils de lecture. Non, mais que dans... C'est un peu les bases de cette analyse que j'ai présentée. Trotsky les développe dans ce livre qui s'appelle La Révolution trahie, qui est un livre magnifique, mais où il dit surtout que le régime en Russie, le sort du régime, il n'est pas encore défini. Et en fait, c'est les forces vives de la société qui vont décider qu'est-ce qui se passera en Russie. Et il dit, soit il y a la restauration du capitalisme, et il démontre en 1936 déjà, d'une manière un peu qu'est-ce qui va se passer dans les années, la fin des années 80-90 où le régime capitaliste il est effectivement réinstauré en Russie avec des conditions tragiques, des conséquences tragiques. Mais il dit aussi il y a une autre possibilité, c'est que Les ouvriers de Russie retournent aux traditions révolutionnaires et qui renversent le régime politique de dictature qu'il y a en Russie et commencent à réintroduire la démocratie soviétique. Et du coup, ça serait aussi une solution. Et dans les faits, il ne faut pas oublier que c'est cette autre prédiction que Trotsky a faite pour le bien. Il y avait des signes ou des petits exemples où ça s'est véritablement passé. Par exemple, la révolution hongroise, mais aussi que moi je trouve que ça devrait être un sujet que chaque branche devrait traiter une fois dans une présentation, mais aussi d'autres exemples. Ted Grant, dans son livre, il donne un exemple de la ville russe de Novotcherkassk en 1962, où il y avait un soulèvement spontané de masse avec des très vieux communistes impliqués et qui étaient violemment massacrés par le régime, mais où véritablement les ouvriers spontanément commencent à lutter et retournent par instinct politique aux meilleures traditions d'octobre. Et qu'ils introduisent dans leur lutte des mesures de contrôle démocratique et de liberté démocratique, non? Et ce sont des exemples pour montrer qu'il y avait des essais, mais souvent très spontanés, de réintroduire la démocratie et de retourner à ce que était vraiment le régime soviétique au début de son existence. Mais le problème de ces expériences, c'était toujours que, d'une part, c'était des gens qui n'étaient pas politiquement pas très formés. Et deuxièmement, ils n'avaient jamais d'organisation préalablement formée. Et c'était juste des soulèvements spontanés. Magnifiques, mais spontanés. Et pour moi, même si ce régime déformé en Russie, il n'est plus vraiment un problème pour nous aujourd'hui parce qu'il n'existe plus, c'est bien ces deux éléments qu'il faut toujours que nous, on essaie de construire, d'une part. C'est dominer une méthode d'analyse pour pouvoir caractériser des phénomènes aussi contradictoires que l'Union soviétique et d'autre part aussi construire une organisation armée avec cette méthode qui peut vraiment réinstaurer les meilleures traditions de ce qu'on a vu dans le régime après la révolution ou pendant la révolution russe en 1917. Merci.